É um crime de guerra. Mais de 280 cadáveres foram encontrados numa vala comum nos terrenos do Hospital Al-Nasser, em Khan Yunis, no sul de Gaza. E, entretanto, um porta-voz das Brigadas Armadas Al-Qassam do Hamas apela a uma escalada em todas as frentes. O discurso feito pela televisão marca 200 dias desde o ataque do Hamas em Israel, a 7 de outubro. Os ataques israelitas intensificaram-se hoje no território de Gaza. É o que diz a agência de notícias Reuters, com base em testemunhos de habitantes do enclave. O exército israelita ordenou novas evacuações no norte da faixa de Gaza, com avisos aos civis de que estão numa perigosa zona de combate. A justiça russa decidiu manter em detenção provisória o jornalista norte-americano Ivan Gershkovich. O tribunal rejeitou o recurso do jornalista, que contesta o prolongamento da prisão preventiva até o final de junho por alegada espionagem, acusações que o norte-americano, detido em março do ano passado, rejeita. Portugal soma 20 casos confirmados de sarampo. Informação adiantada esta tarde pela diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, realça as elevadas taxas de cobertura das vacinas contra esta doença em Portugal, mas sublinha a necessidade de se continuar a trabalhar para que os cidadãos percebam a importância da vacinação. Portugal cumpriu e ultrapassou a meta dos 95% com o objetivo de evitar ou limitar surtos da doença. O autarca de Santa Combadão lamenta que Bordal II tenha feito uma instalação artística no cemitério. O artista pôs um medicamento antifascista sobre a campa de Salazar. Sem querer criar grande alarido, o presidente da Câmara, Leonel Gouveia, defende a necessidade de se respeitar os lugares de culto. Eu acho que... Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Eh bien, bienvenue une fois de plus à ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du métal et de la musique qui fait du bruit, qui tape fort dans les oreilles et qui fait mal la tête. Mais qu'est-ce que c'est bon! Une fois de plus, donc, ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Des nouveautés au nombre de 4. Nous aurons aussi une interview exclusive du groupe Simakia que je vous ai présenté la semaine dernière. Et on se fera également un hommage à un grand monsieur, à Dickie Betts, qui fut le guitariste légendaire du non moins légendaire Allman Brothers Band, qui nous a quittés la semaine dernière. Donc tout ça et puis bien d'autres choses pendant ces 2 heures de métal en fusion vous attendent. Eh bien, on va commencer tout de suite avec du méchant, ce qui était d'ailleurs une des nouveautés de la semaine dernière. C'est l'album de Corpus Diabolis, groupe de black metal, qui vient de sortir donc son dernier album qui s'intitule Elixira Extasis. Et on va se décrasser les esgourdes avec Carnal Hymn Nodi. Toujours vivant? Ben j'espère, parce qu'on a encore 1h50 d'émission. À l'instant, donc, Corpus Diabolus avec Carnal Hymnody, qui était extrait de son nouvel album Elixira Ecstasis. Voilà, donc, pour tous les amoureux de black metal. On va passer quelque chose de beaucoup plus rock avec un artiste qui va faire l'actualité doublement. C'est Slash. Alors, Slash va être en concert, donc, lundi prochain au Zénith, en compagnie de Mammoth WH, le projet, donc, du fiston d'Eddie Van Halen. Et Slash, normalement, devrait nous sortir un nouvel album fin mai, mais un album un peu particulier, puisque non, ce ne sera pas un album avec Miles Kennedy et ses potes, puisqu'il s'agit d'un album solo encore plus, puisque il ne reprendra que des classiques de blues, où il est accompagné de plein d'amis, dont Iggy Pop, Steven Tyler, Brian Johnson. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous allez voir déjà un clip avec un classique où Brian Johnson donc s'y pique. Et d'ailleurs, quand on entend chanter, on se dit que bah, c'est dommage qu'ACDC ait privilégié vraiment que les morceaux rock et durs, parce que je pense que ça aurait pu le faire aussi, les morceaux blues. Il n'y a pas que Bon Scott qui en aurait été capable. Ça aurait pu faire quelque chose de sympa. Mais enfin bon, il est encore temps que ACDC revienne là-dessus aussi. Mais enfin, en attendant, cet album de Slash, je pense qu'on s'en fera quand il sortira. En attendant, on va revenir à son dernier album qui était sorti en 2022, qui s'intitulait tout simplement 4, fort, puisque c'était donc son quatrième. Et on va s'envoyer quoi comme morceau? Ben, un titre écrit en français, enfin en français, le titre est en français du moins, ça s'appelle C'est la vie. Un petit souci. C'est bon. We'll be right back. Reconnu sans mal, j'imagine, le classique d'Aerosmith, S.O.N. Too, Too Bad, qui à l'origine était sorti sur l'album Get Your Wings, qui était leur deuxième, qui était sorti il y a 50 ans. Oh là là, comme le temps passe vite, c'est vrai que la bonne musique, ça n'a pas d'âge. Mais là, c'était donc Tesla qui s'y collait. Et ça, c'est le morceau bonus qui figure sur le live, Full Throttle Live, qui est donc sorti au mois d'octobre dernier, et qui est vraiment une autoproduction... Voilà, donc à suivre, j'espère qu'on aura un prochain album studio de Tesla, parce que bah, Choc datait quand même de 2019, donc à suivre. Juste avant Tesla, Slash, qu'on ne présente plus, avec son quatrième album intitulé tout simplement « Four ». Et le morceau « C'est la vie » et Slash qui sera en concert donc lundi prochain au Zénith à Paris en compagnie de Mehmet WVH, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure un peu plus tard dans l'émission. Eh bien, on va se faire donc la première donc des quatre nouveautés. Avec un jeune groupe de la région parisienne qui existe depuis 2019 et qui vient donc de sortir son premier album, là, début avril. Ce groupe s'appelle Down to the Wire, l'album c'est Deep in Denial. Alors, on peut dire qu'on a eu un revival néo-70s, néo-80s et heavy metal, des groupes qui sonnaient plus heavy metal que la new wave of British heavy metal. Ben maintenant, c'est au tour des années 90 de revenir avec du néo-grunge, on peut dire, quelque part, puisqu'avec on retrouve plein de jeunes groupes qui s'inspirent de groupes tels que Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains. On pense aussi à les Deftones, entre autres, et plein d'autres choses. Et du coup, bah, comme pour ces groupes-là, bah, les groupes que je faisais néo-70s et néo-80s, bah, on s'y croirait vraiment revenus dans les années 90, tellement ils ont réussi à capter l'esprit de cette époque. Eh bien, on vous invite à découvrir avec ce qui a été, je crois, le premier single de l'album, c'est-à-dire The Butcher's Fantasy. Let's go. there's rubble all around this sky. It sticks of filth and lies. There's a real problem about this guy. He said he wants it all. I never see him try. Strange trouble all around this sky. It sticks of filth and lies. Filth and lies. Le groupe Wizard avec un point d'exclamation à la place du i, j'insiste bien, parce que si vous tapez Wizard pour avoir des informations sur ce groupe sur internet, vous allez avoir des tas de groupes avec ce nom-là. C'était donc ce Wizard-là, avec un extrait du premier album Not Good Enough que je vous ai présenté la semaine dernière. C'était donc le morceau Private Garden qu'on vient de s'écouter à l'instant. Juste avant, un peu dans le même esprit, et sorti à peu près en même temps, le premier album des Parisiens de Down to the Wire, Deep in Denial, c'était The Butcher's Fantasy. Ça, c'était donc la première nouveauté d'Electric Shock ce soir. Et bien maintenant, on va faire un petit retour dans le temps. Et on va se retrouver en 1972, où un groupe de légende était en pleine gloire. Un groupe allait devenir une légende, c'était The Allman Brothers Band. Et oui, là, c'est... on va se faire un petit hommage à un très grand guitariste qui nous a quittés le 18 avril dernier. Il s'agit de Dickie Betts, qui nous a quittés donc à l'âge de 80 ans, des suites d'une longue maladie, comme on dit. Donc Dickie Betts, c'est un des cofondateurs de cette légende du rock sudiste, et qui restait dans le groupe juste au début des années 2000 et qui a fait quand même les beaux jours de cette formation légendaire. Alors quel album passer, parce que bon, on a tellement. Ben là, je nous ai choisi un live. C'est vrai qu'on a une tripotée de live de Allman Brothers de toutes les époques, qui est sorti en fin d'année dernière, donc récemment. Et donc des vieilles bandes d'archives qui ont été exhumées, enregistrées en 72 au Manley Field House à la Syracuse University le 7 avril 1972, où le groupe était dans une configuration un peu particulière, puisque quelques mois auparavant, le frère de Greg Allman, Duane Allman, s'était tué lors d'un accident de moto. Il sera suivi d'ailleurs quelques temps plus tard, d'ici à la fin 72, par le bassiste Barry Oakley, par la même chose. Mais en attendant, donc, c'est un groupe qui officiait donc avec une seule guitare, celle de Dickie Betts. Donc un répertoire de légende. Alors quel morceau choisir? C'est vrai que les morceaux fleuves coulent avec Allman Brothers, c'est très très long. Bah, pour ce soir, je nous ai choisi non pas un morceau original, mais un classique du blues, le fameux Stormy Monday de T-Bone Walker, mais que quasiment Allman Brothers, c'est quasiment approprié. D'ailleurs, quand on entend la version, ce morceau, on se dit tout de suite, tiens, un morceau d'Allman Brothers. Donc, en hommage à Dickie Betts, Stormy Monday, donc extrait du live, Mansfield Field House, Syracuse University, April 7, 1972. The Allman Brothers Band avec un classique de blues, Stormy Monday, qui se rapproprié. Et ça, c'est donc extrait de l'album Manley Field House, Syracuse University, April 7, 1972, sorti en fin d'année dernière. Et ça, c'était donc en hommage au guitariste cofondateur du groupe, Dickie Betts, qui nous a quittés la semaine dernière, le 18 avril exactement, à l'âge de 80 ans. On continue maintenant avec un groupe aussi qui va faire ses adieux puisque qui vient de sortir donc normalement son ultime album. C'est les furieux de Sum 41 qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière. Pourtant, alors qu'ils sont au fait de leur popularité. Donc pour ça, ils ont choisi de sortir un, non pas un simple, mais un double album, regroupant en fait deux phases de leur carrière, la phase la plus pop et la phase un peu plus rock alternatif. Donc cet album qui s'appelle Heaven X Hell, qui est sorti donc au mois de mars. D'ailleurs, ils seront en concert à l'Accor Arena au mois de novembre prochain pour faire leurs adieux. Et d'ailleurs, je crois que c'est complet déjà depuis belle lurette. Donc ce soir, on va se faire un morceau un peu plus alternatif que la semaine dernière. Enfin, tout ça, c'est relatif. On va se faire donc le petit morceau Rise Up et sa petite intro Preparati a salire. Even when we're broken, time's up. Fitness for the chops, and I'm not giving up to vouching. I won't fail. Rise up. Even when we're broken, time's up. Fitness for the chops, and I'm not giving up to vouching. I won't fail. Rise up. Even when we're broken, time's up. Mistaken if you thought I was gone, 'cause I've been waiting for this moment too long. À l'instant, Run, Run, Ronnie Run, avec un extrait de son album Baise le Monde, c'était Let's Play. Et avant, donc, les futurs retraités de Sum 41 et le morceau Rise Up et la petite intro Preparazzi à Salire, tous deux extraits de leur dernier opus Heaven XL. Et déjà quand même 19h46, déjà trois quarts d'heure de passé sur Radio Arc-en-Ciel. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 entre 19h et 21h. On va se faire donc la deuxième nouveauté de la soirée avec un groupe qui s'appelle Junon. Alors c'est les anciens de General Lee, si ça vous dit quelque chose. Et ils nous pratiquent ce qu'on peut appeler un post-hardcore. Mais enfin, c'est un petit peu... comment dirais-je, c'est encore une étiquette que je trouve un petit peu surfaite, parce que bon, il n'y a pas que ça là-dedans, dans ce groupe qui s'appelle donc Junon, qui vient donc sortir son album Dragging Bodies to the Fall. Alors c'est du rock énervé et puissant, et d'ailleurs une fois de plus ça a été produit par Francis Cast, qui est vraiment l'homme à tout faire, que vous produisiez, si vous avez un truc à faire produire, je pense que c'est l'homme qui sait comment le faire sonner. Eh bien, vous avez peut-être envie de découvrir ce groupe avec le morceau Another Bar to Your Cage. Be Alone, extrait de Memories from the Future de Blooming Discord, et juste avant donc la deuxième nouveauté de la soirée avec le groupe Junon et leur premier album Dragging Bodies to the Fall, c'était Another Bar to Your Cage. Maintenant je vais vous emmener faire un petit tour à Tel Aviv en 2021, où Orphan Edlen donc pouvait célébrer enfin les 30 ans donc d'existence de ce groupe mythique, accompagné pour ça d'un orchestre symphonique et d'une armée de choristes. Tout ça pour un live fabuleux qui est sorti en fin d'année dernière, qui s'appelle A Heaven You May Create. Donc oui, tout un programme. C'est vrai que le groupe a toujours un message de paix à délivrer, et c'est vrai qu'en ce moment, vu ce qui se passe là-haut, c'est tout à fait d'actualité, c'est clair. Et on va se faire ce soir un morceau magique. Extrait donc de l'album Maboul, c'est le morceau d'ailleurs qui donnait son nom à cet album magnifique. Donc Orphan Edlen, c'est tout de suite maintenant. C'était le superbe Maboul, extrait du CD-DVD Heaven You May Create 30th Anniversary, Live in Tel Aviv de Orphan Edland. Et bien maintenant, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en début d'émission, normalement, j'ai la chance d'avoir à l'autre bout du fil Mathieu, le guitariste du projet Simakia, au téléphone. Donc, si vous avez envie de découvrir ce groupe de métal progressif très intéressant, restez bien branchés à l'antenne. Donc, allô Mathieu ? Oui, salut Christophe. Salut, ah ben ravi de t'avoir, je suis toujours émerveillé par la technique quand ça fonctionne. N'est-ce pas ? Je croirais presque en Dieu. Donc voilà, donc ce que je disais à l'antenne, donc on est là pour parler de ton projet donc Simakia. Oui. Donc question bateau quelque part, est-ce que tu peux nous raconter brièvement l'histoire du groupe ? Tout s'est mis en place en 2006, je dirais, quand Kevin est venu, donc Kevin Kazek, qui est le chanteur, qui est officier dans un groupe lorrain qui s'appelait Seminole. Et je l'avais invité sur un album d'Elvaron pour c'était en invité. Et puis, il se trouve que l'alchimie était très bien passée sur cette session de studio et on a émis l'hypothèse de faire un projet tous les deux. Très vite, s'est raccroché le batteur qui était alors le batteur d'Evenly, Thomas Dasneves. Et on a commencé à écrire de la musique tous les trois pour un projet un petit peu complètement dans cet esprit power metal progressif symphonique. Et on a sorti un premier album en 2011 qui s'appelait Majestic 12 Open Files et qui avait pour thème les manifestations extraterrestres à travers l'histoire avec un grand H, hein, avec un grand H, pardon. Et puis, la vie faisant son cours, les obligations professionnelles, personnelles, les groupes et tout ça, Simakia était un petit peu en stand-by pendant toutes ces années, entre 2011 et 2020. Et en 2020, par l'intermédiaire du Covid, on a décidé de s'y remettre de manière pour refaire un album. Et du coup là je me suis dit que j'avais envie de travailler avec un bassiste, un vrai bassiste, parce que sur le premier album c'est moi qui avais enregistré la basse, et c'est là que Julien Kuhn arrive dans l'équation. Et on a travaillé pendant 3 ans sur la composition et l'enregistrement de ce nouvel album Project 11 qui est sorti il y a une quinzaine de jours maintenant. Et que signifie ce nom, Simakia ? Alors Simakia, ça veut dire l'alliance en grec ancien. Et c'est Kevin qui a trouvé ce nom au départ et qui évoque très bien, en tout cas résume très bien l'esprit du groupe tel qu'il était à l'origine, c'est-à-dire une alliance de musiciens qui viennent de groupes différents, d'horizons différents, et puis qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Moi, j'ai remarqué que votre premier album donc, s'appelait Majestic 12 et que celui-ci s'appelle Project 11. Ça veut dire que dès le départ, vous avez prévu déjà de faire 12 albums qui vont se décliner par ordre décroissant. Oui, il y a quelque chose de comme ça qui était déjà dans les tuyaux, qui était au départ sous forme de un peu de blague entre nous. Et puis, c'est pas impossible que ça continue comme ça, effectivement. Par contre, si vous mettez autant de temps, on en a pour jusqu'au 22e siècle. Ouais, c'est ça, on aura à peu près 180 ans quand on finira le dernier. Voilà, avec la technologie aidant, on sera peut-être encore de ce monde, hein, sait-on jamais. Oui, écoute, je sais pas si on espère ou pas. c'est peut-être dangereux de rester trop longtemps pour voir ce qu'on va en faire. Justement, comme son prédécesseur, Project 11, je sais que j'ai eu la bio, je sais que c'est un concept album, mais les auditeurs ne savent peut-être pas de quoi il parle. Alors cette fois-ci, il y a toujours en fond la présence d'extraterrestres, hein, puisque ça c'est quand même le dénominateur commun de nous trois au départ, hein, on est tous très branchés ufologie, etc. Mais cette fois-ci, on a voulu s'intéresser à la Lune, à l'astre lunaire, et on est parti des textes antiques de Lucien de Samosate, qui raconte l'histoire justement de Sélénée, c'est-à-dire la déesse de la Lune qui épouse un roi, Endymion, et qui voyage comme ça sur un chariot pour aller jusque dans la Lune. Alors ça, c'est des textes antiques, hein, Lucien de Samosate, on peut le considérer comme un des premiers auteurs de science-fiction. Et puis après, on continue comme ça notre voyage à travers l'histoire, en passant par les manifestations lunaires qui ont été vues par les moines de l'abbaye de Canterbury au XIIe siècle. Et puis on continue comme ça jusqu'à la conquête spatiale entre les Russes et les Américains sur fond de guerre froide. Et puis après, on part dans quelque chose un petit peu plus dystopique, un peu plus d'anticipation sur le fait qu'on serait allé effectivement sur la Lune et que là, on aurait rencontré des entités extraterrestres, hein, qui s'appellent les Sélénites, et qui nous auraient gentiment demandé de ne pas revenir sur la Lune, ce que nous n'avons pas fait jusqu'en 2018. Année où les Chinois ont lancé la sonde Chang'e. Et là, c'est là qu'on part donc dans quelque chose de plus anticipation. Puisqu'on est revenu, les Sélénites ne sont pas très contents et ils décident finalement de débarquer sur Terre et de faire un petit peu le ménage. Voilà le pitch de l'album. Donc tous les morceaux, évidemment, sont liés les uns entre les autres et le concept, le fil rouge, c'est la Lune. Question un peu pratique. Quand et où avez-vous enregistré votre album ? Alors, on a commencé à enregistrer Moi, j'ai commencé à enregistrer... Enfin, j'ai commencé les maquettes en 2020. Une fois que j'ai fini les maquettes, Thomas a posé ses batteries et puis on a recommencé le processus d'enregistrement à partir de là. Enregistrement qui s'est étalé sur, je pense qu'on peut dire 18 mois, donc entre 2021 et 2023. Et puis ensuite, en 2023, on a enregistré le chant qui s'est étalé jusque le dernier trimestre 2023. Puis après, voilà, tu vois, j'ai mixé l'album et puis c'est parti au mastering en Finlande. Et pour une sortie, là, du coup, le 5 avril. Où est-ce qu'on a enregistré ? Donc, on a enregistré... Donc, Thomas a enregistré dans son studio. Hein. Il a son studio, enfin, son home studio. Moi-même, j'ai mon home studio, hein, qui est un studio presque professionnel maintenant, hein, depuis toutes ces années où je fais de la musique, où je fais de la production, c'est un studio qui est assez professionnalisé. Et puis Julien a enregistré ses basses chez lui. Voilà. Donc ça, c'est le miracle de la technologie. Chacun peut bosser chez soi. Ça, c'est quand même fort. Ouais. C'est... Alors, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? C'est toute la question de. Qu'on se pose, moi-même, hein, je me la pose très souvent. J'aimerais tellement en fait revenir aux bases, de pouvoir enregistrer tous ensemble live, mais c'est dans un autre monde, quoi, dans un autre siècle, et dans un univers où on fait que de la musique, quoi, où on n'a pas un métier à côté. Eh bien, parce qu'en France, vivre de cette musique, c'est pas évident. Justement, dans le groupe, vous avez de nombreux projets, vous êtes tous très occupés. Est-ce que Simakia, est-ce que c'est votre priorité ? Alors, je vais pas mentir, c'est pas du tout ma priorité dans le sens où moi, j'ai un groupe prioritaire qui est Dusk of Delusion, hein, qui est un groupe de live où on fait beaucoup de, on est très actif sur scène et on est très actif aussi en studio. Ça, c'est ma priorité. musical, en tout cas. Après, Simakia, c'est un projet, comme tu peux le constater, qui a une gestation très lente, demande à ce que voilà, tous les protagonistes, toutes les planètes soient alignées pour que tous les protagonistes puissent travailler ensemble. Donc non, c'est pas ma priorité. C'est ma priorité du moment, puisque voilà, je sors un album et je suis en promo, évidemment, j'en fais ma priorité sur ces quelques semaines là, mais voilà, moi je suis déjà passé à autre chose en fait. L'album, ça fait longtemps pour nous qu'il est terminé, hein, donc effectivement là on est dans la phase finale. Où on propose notre musique au public et où on espère que tout le monde sera réceptif à notre musique. Voilà. Après, pour la prochaine question, j'imagine que je connais un peu la réponse vu ce que tu laisses sous-entendre. Est-ce que vous avez prévu de faire des concerts prochainement ? Alors, non, on n'a pas prévu de faire des concerts. Maintenant, on se ferme aucune porte, mais si concert il y a, il faut que ça soit dans des conditions qui puissent, alors c'est un petit peu prétentieux, hein, mais dans lesquelles on puisse rendre notre musique telle qu'on le veut. C'est-à-dire que faire du café-concert ou du bar, des choses comme ça, c'est totalement exclu. Si on a des propositions de festival ou de première partie, oui, on ira, mais on ne va pas... faire de concerts, produire de concerts, c'est pas du tout notre priorité. Donc, on va bientôt arriver à la fin de l'interview. J'ai une question que je pose habituellement, c'est comment décrirais-tu Simakia à quelqu'un qui ne connaît pas, si tu voulais le convaincre d'écouter ? Alors, je partirais du principe que c'est quelqu'un qui écoute déjà du métal. Et je lui dirais que c'est un bon compromis entre Iron Maiden et Dream Theater. Voilà, en espérant que ça puisse le convaincre de donner une chance à l'album. Voilà, donc juste avant de se quitter, est-ce que tu as quelques mots pour les auditeurs d'Electric Shock ? Eh ben, j'espère que le morceau que tu vas diffuser après cette interview leur donnera envie de se pencher sur la totalité de l'album, pourquoi pas d'aller sur notre Bandcamp et de l'acheter, ou de jeter un œil sur notre clip qui est sorti également il y a 2 semaines. Voilà, j'espère que ça donnera envie d'aller plus loin. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a plusieurs niveaux de lecture. C'est un album qui est très construit, qui est très réfléchi. Donc, pour faire une écoute, très bien, mais si on veut se plonger dedans, si on veut se plonger dans les paroles, dans le concept, dans le visuel, dans la musique, faire une analyse, tout ça, c'est possible. Voilà, rien n'est fait au hasard, et ceux qui veulent vraiment aller au fond auront de la matière pour le faire. Eh bien, merci à toi, Mathieu. Mais j'espère que les auditeurs à qui ça a titillé l'oreille, suivront ton conseil. Eh bien, en attendant, on va se mettre un morceau dans l'album Project 11. Mathieu, tu vas le présenter puisque c'est toi qui l'as choisi. Eh bien, c'est un morceau qui s'appelle Horses of Apollo, qui parle donc des diverses missions Apollo. Des missions qui avaient pour but d'aller dans l'espace pour aller sur la Lune, et voilà, c'est un morceau aussi qui est assez long, qui est très progressif dans l'esprit et dans la réalisation. Enfin, c'est vraiment un morceau que je trouve vraiment vraiment génial. Voilà, en toute humilité et toute modestie, bien sûr. Eh bien, merci encore à toi. Eh bien, on va découvrir le morceau tout de suite, maintenant. Merci. Merci, salut. Ciao. race for space was a question of pride. Huge ambition to increase the sense of history. Ranger had a mission to observe the Bayside. Revolution arrived, the moon was full of activity. Si Machia avec Horses of Apollo, extrait de l'album Project 11, The Landing. J'espère que si vous aimez les groupes Iron Maiden, Dream Theater, comme Mathieu vous le disait tout à l'heure, ça vous donnera envie d'écouter un peu plus. Et puis de toute façon, dans les semaines qui suivent, vous inquiétez pas, on en repassera d'autres. On va se faire donc une troisième nouveauté. Donc de l'espace, de la Lune, on va faire un tour en Picardie, découvrir un groupe qui s'appelle Lucide. Alors Lucide, c'est un groupe qui nous propose un mélange de rock progressif avec du métal. Enfin, quand je dis rock progressif, là, pas la Dream Theater. Je pense plutôt à des groupes comme Faith No More, Tool, Down, avec un son très très années 90. Donc c'est leur deuxième album qui est sorti là il y a quoi, un mois tout cassé, qui s'appelle L'Adversaire. On va découvrir ça tout de suite avec un morceau qui s'appelle Allô. Prononcez les mots, acceptez ce que le corps affecte. Être debout face au grand saut, expliquez ce que les autres rejettent. Tu auras mal au-delà de ce qu'il faut pour être digne, pour tenir tête à ce qu'il se passe sous ta peau. Une lutte à peu que rien n'arrête. Just une âme sans peine en sursis. Je suis l'horreur du bête original, prédateur viscéral. Je n'ai pas mon pareil, je suis le mal. Je suis la raison pure de votre extinction. Une erreur de la nature, une contrefaçon. Je suis sur le chemin, celui du non-retour. Aujourd'hui, c'est demain, et demain, c'est moins de l'amour. En avant des vastes périls, la destinant et nos fils. Le cœur aux ailes de mes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est toujours Electric Shock. Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. À l'instant, c'était Persona non grata et son EP éponyme avec le morceau Délivrance. Et avant, venu de Picardie, c'était donc le groupe Lucide qui nous présentait son album L'Adversaire. Et donc, c'était la troisième nouveauté de la soirée. Tout à l'heure, avec Simakia, on a été sur la Lune. Là, on va aller très très loin dans l'espace avec Karkara. Bon, bah, si vous écoutez, avez écouté Electric Shock ces dernières semaines, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on va faire un tour très très haut dans l'hyperespace avec un extrait de All Is Dust. Et on va écouter The Chase qui va nous emmener, donc, comme je disais, très très haut. Je vous le disais, on a été très très haut, mais bon, la nouvelle est revenue sur Terre. Donc Carcara avec son nouvel album All Is Dust, c'était The Chase. Du coup, on va faire quelque chose de plus rock, et pour ça, on va revenir à l'album de Camelto Scotoma, et on va s'envoyer l'hôte. Je vis les deux survie, mon esprit, mon âme. faisait un bon moment qu'on n'avait pas diffusé de l'excellentissime deuxième album de Mammoth WVH. D'ailleurs, le groupe de Wolfgang Van Halen qui sera en concert à Paris au Zénith le lundi prochain en première partie de Slash. Juste avant, c'était Camelto avec un extrait de son album Scotoma et l'hôte. Et on a juste le temps de se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe qui nous vient de Belgique et qui nous sort son deuxième EP qui s'appelle... Le groupe s'appelle Riffless et l'album c'est Ghost is a Woman. Alors si vous aimez le rock inspiré Guns N' Roses, AC/DC, mais en plus light, ça devrait le faire. Bon, je pense que c'est un groupe à voir plutôt en concert. Donc le morceau de ce soir c'est I Don't Feel Like Not Dancing. La trace de ton de tes pas, extrait de Fantôme, le dernier album du groupe Libre. Voilà, donc c'était le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Ben, merci d'avoir été une fois de plus à l'écoute de ce rendez-vous du métal. On se retrouve donc la semaine prochaine, bien évidemment, avec des nouveautés. Mais maintenant, place aux amis Nightclubbers, puisque Electro Live va commencer maintenant. Alors, je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a préparé ce soir. On va voir ça tout de suite avec lui. Salut, salut. Salut, salut. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, qu'as-tu à proposer aux amis Nightclubbers ce soir? Bon, on va commencer avec de la house, avec toutes ses variantes. Hein. Un peu de tech house, de house, et puis de funky, je crois. Et puis, on va aller progressivement vers de, avec de la techno, avec justement un peu de progressive entre les deux. Et ben voilà, donc voilà. La musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, puisque Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Donc je vous laisse en compagnie de Christophe. Salut à tous, à mardi.